franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la mort du juge Bernard Borel, une affaire d'État. Le 19 octobre 1995, le corps sans vie du magistrat français est retrouvé à Djibouti, une ancienne colonie française, sur la côte est du continent africain. Dans la nuit, le juge a été assassiné. Oui, assassiné. Cette affirmation, on peut aujourd'hui la formuler, car elle a été reconnue à la fois par la science et par la justice. Il a pourtant fallu des années pour que cette vérité soit dévoilée, car très vite, trop vite, la thèse du suicide s'est imposée pour expliquer cette tragique découverte. Bernard Borel est le troisième magistrat assassiné sous la Ve République après les juges Renaud et Michel. Pour inscrire le nom de cet homme à cette liste dramatique, une femme, Elisabeth Borel, veuve de Bernard, se bat depuis 20 ans pour savoir et faire savoir ce qui s'est passé en cette nuit du 18 au 19 octobre 1995. Comprendre pourquoi, comment et par qui son mari a été assassiné. Dans cette affaire, Elisabeth Borel, ses avocats et certains journalistes se sont confrontés à deux États, la France et Djibouti, dont les relations issues d'un passé colonial ont perturbé l'enquête. Ils se sont ainsi confrontés au secret d'État, cette disposition qui permet de jeter le voile sur une affaire dont le mystère, en l'occurrence, et après plus de 20 ans, n'est toujours pas levé. En seconde partie d'émission, nous recevrons Elisabeth Borel, l'épouse du juge, et David Servenet, journaliste indépendant et fondateur de la revue dessinée. Il a travaillé sur l'affaire Borel. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Djibouti, mercredi 18 octobre 1995. Il est environ 11h30 ce soir-là quand Elisabeth Borel commence à s'inquiéter. Car son mari, Bernard Borel, 40 ans, n'est toujours pas rentré. Dans la soirée, il devait se rendre à une réunion, mais vu leur avancée, elle devrait être terminée. Puis, cette absence comme ça, sans prévenir, ça ne lui ressemble pas. Voilà un peu plus d'un an que Bernard et Elisabeth Borel sont arrivés avec leurs deux enfants dans cette ancienne colonie française aux frontières de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Un territoire exigu, sans ressources naturelles, mais qui occupe une position stratégique. Situé au débouché de la mer Rouge, Djibouti est en effet à quelques encablures de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. Ce n'est pas pour rien que la France y a installé l'une de ses bases militaires les plus importantes à l'étranger. Chaque année, Paris paye une redevance rondelette pour s'assurer cette coopération. C'est donc dans le cadre de cette coopération que Bernard Borel, magistrat réputé sérieux et doué, sorti majeur de l'École nationale de la magistrature, a été nommé conseiller auprès du ministre de la Justice djiboutien, avec pour mission, notamment, de moderniser les codes pénals et civils du pays. Alors, pourquoi n'est-il toujours pas rentré à cette heure tardive ? Inquiète, Elisabeth Borel, magistrate, elle aussi, appelle des amis qui font le tour des hôpitaux et de commissariats de la ville. Rien. La nuit s'étire, lentement, douloureusement, dans l'angoisse et dans l'absence. Le jour se lève. Quant à la recherche d'une trace, d'un indice, Elisabeth regarde dans les affaires de son mari. Et là, dans sa sacoche, elle tombe sur deux lettres rédigées par Bernard Borel qui lui sont adressées, 50 000 francs en argent djiboutien. Sur la première lettre, elle découvre une liste de sa collection de médailles et des indications pour les vendre si Elisabeth le souhaite. Sur l'autre, Bernard Borel explique qu'il a retiré l'argent sur leur compte commun français, qu'il ne l'a pas dépensé et qu'elle doit le remettre à la banque. Mais que veulent dire ces documents? Bernard n'en a jamais fait mention. Elisabeth n'a pas le temps de se poser ces questions. Il est environ 9h ce jeudi 19 octobre 1995 quand on sonne à sa porte et que le drame survient. En effet, Philippe Guérin, le consul de France, annonce à la jeune femme qu'à 7h20 ce matin, deux gendarmes français ont retrouvé le cadavre de son mari au Goubé, à 80 km de Djibouti, dans un ravin qui fait face au golfe de la mer Rouge. C'est la présence d'un 4x4 sur le parking du Belvédère qui a alerté les gendarmes. Sur le siège arrière du véhicule, ils ont découvert un pantalon et une chemise soigneusement pliés. Alors, ils sont descendus et ont découvert, un peu plus bas, un bidon d'essence, un short et une sandale. Ils ont poursuivi leur descente et 4 mètres en dessous, ils ont trouvé une montre et une autre sandale. Enfin, à 10 de mètres encore plus bas, ils sont tombés sur le corps à moitié calciné du juge Borel. Philippe Guérin poursuit. Le corps de Bernard Borel a été amené à l'hôpital militaire de Djibouti pour y être examiné. Le médecin a conclu à une immolation par le feu et penche donc pour un suicide. À cet instant, la vie d'Elisabeth Borel bascule pour toujours et la version du suicide s'impose, brutale, tragique. Sous le choc, la jeune femme ne se pose plus de questions. Mais 4 jours plus tard, elle est entendue par les policiers djiboutiens qui ne mentionnent pas la découverte de l'argent et des lettres. Puis elle retourne en France avec ses 2 enfants. Et ce n'est que 2 ans après, le 9 novembre 1997, que la mort de Bernard Borel s'invite dans les journaux. RFI, il est 5h36 minutes en temps universel. Rebondissement dans l'affaire Borel, du nom de ce magistrat français en poste à Djibouti, retrouvé carbonisé en novembre 95. Une première instruction avait conclu à un suicide, thèse que l'épouse du magistrat avait toujours contestée. Sa pugnacité a finalement permis la réouverture du dossier. Selon l'avocate de la famille Borel, la nouvelle instruction en cours a permis la découverte de nouveaux éléments, éléments prouvant que le magistrat a bel et bien été assassiné. Que s'est-il passé pendant 2 ans ? D'abord, la douleur, la perte, l'absence, bien sûr, pour Madame Borel. Puis, le corps rapatrié, l'enterrement, le 4 novembre 1995. Autant d'étapes d'un deuil impossible. Car rapidement, les questions, les doutes s'amoncellent. Comment comprendre ce geste insensé ? Oui, il y a cette discussion que les époux Borel ont eue 2 jours avant le drame, pendant laquelle Bernard paraissait préoccupé, angoissé. Oui, il y a ces 2 lettres et l'argent retrouvés dans la sacoche. Mais c'est peu pour expliquer un suicide, si tant est qu'on puisse jamais expliquer ce qui ressort de l'intime. Mais enfin, dans cette affaire, comment comprendre cet empressement de l'ambassade française à déclarer, par communiqué, que le juge s'est donné la mort, information divulguée, quelques heures seulement après la découverte du corps ? Elisabeth Borel s'interroge. À la mi-novembre 1995, elle prend les choses en main et commence par demander le dossier d'enquête de son mari, notamment les résultats de l'autopsie. Pas de réponse. Elle dépose une requête au tribunal de Toulouse et une information judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort de Bernard Borel. L'exhumation du corps et son autopsie sont réalisées en février 96. Entre-temps, Elisabeth Borel avance d'informations troublantes. D'abord, un témoin djiboutien, un pompiste, dit avoir servi de l'essence à Bernard Borel le jour de sa mort et il affirme qu'il était accompagné d'un autre homme, un blanc. Ensuite, on note qu'aucune autopsie n'a été pratiquée à Djibouti. Il s'agit d'un simple examen médical qui envisage une mort par asphyxie. Enfin, les radios effectuées le jour du drame ont disparu. Comment peut-on conclure au suicide dans ces conditions et l'affirmer avec un tel aplomb ? En 1997, 1 an après l'exhumation, le rapport d'autopsie réalisé en France arrive enfin. Et certaines conclusions confirment les doutes d'Elisabeth Borel. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne peut pas y avoir de preuve de la mort par le feu sans autopsie. Hein, je parle de considérations médico-légales. Or là, les Djiboutiens avaient demandé, dans le cadre de leur enquête, un examen du corps ou une autopsie. Et ce sont les médecins français qui n'ont pas pratiqué d'autopsie. Et ce médecin qui a fait le certificat médical qui a permis de délivrer le permis d'inhumer a indiqué qu'il avait constaté l'existence de suies dans les voies aériennes de mon mari, constatations qui n'ont pas du tout été corroborées par l'autopsie judiciaire ordonnée à Toulouse et constatations qu'il ne pouvait pas faire sans autopsie. Pour Elisabeth Borel, c'est sûr, la thèse du suicide ne tient pas. Son mari a été assassiné, elle en est désormais persuadée. Au début de l'année 97, elle porte plainte et confie sa défense à 2 avocats, Olivier Maurice et Laurent Decaune. Le dossier est dépaysé, comme le veut l'expression, à Paris, et les juges Marie-Paul Borachini et Roger Leloir sont chargés de l'instruction. En mars 1999, 18 mois après avoir été saisis, les 2 magistrats se rendent une première fois à Djibouti pour mener l'enquête. Sur place, ils entendent une cinquantaine de témoins, notamment pour essayer de cerner la personnalité de Bernard Borel. Parmi eux, un psychiatre français ami du couple Borel qui leur fait part de la dépression du magistrat. L'un de ses collègues français s'était suicidé peu de temps avant et il en était très affecté. Ils comprennent aussi que Bernard Borel avait des rapports compliqués avec les autorités locales, notamment son ministre de tutelle. Les deux juges s'interrogent également sur l'argent et les deux lettres retrouvées par Elisabeth Borel. Pour eux, tout concourt au suicide. Pour Madame Borel et ses avocats, il est évident que les deux juges instruisent uniquement sur la thèse du suicide. Ils n'ont absolument pas cherché à enquêter sur une autre voie possible, celle de l'assassinat. Mais en cette fin d'année 99, un Djiboutien, réfugié politique à Bruxelles, décide de parler. Le 19 octobre 95, l'actuel président Ismaël Omar Guelleh, qui était alors chef du cabinet du président sénégalais d'Aptidon, recevait 5 personnes. Le premier d'entre eux donc s'adresse au chef du cabinet, Ismaël Omar Guelleh, et lui disant que le juge Funeur serait tué et qu'il n'y a plus de traces. Qui est cet homme qui décide de témoigner 4 ans après les faits? Il s'appelle Mohamed Saleh Al-Loumekandi et il raconte que le 19 octobre 1995, le jour de la mort de Bernard Borel, alors qu'il était à l'époque officier dans la garde présidentielle, il a assisté à une conversation dans les jardins du palais. 5 hommes, ces jours-là, arrivent en 4x4 et s'entretiennent avec Ismaël Omar Guelleh, celui qu'on surnomme IOG, pas n'importe qui. Au moment de la mort de Bernard Borel, il est le chef de cabinet du président. Et surtout, en avril 1999, quelques mois avant ce témoignage, il vient lui-même d'être élu président de Djibouti. Parmi les 5 hommes qui viennent annoncer l'assassinat du juge, Mohamed Saleh Al-Loumekandi reconnaît le chef des services secrets djiboutiens, le chef de la gendarmerie, un Français dont il ne veut pas révéler l'identité. Trop risqué, dit-il, et, plus surprenant, 2 individus condamnés pour terrorisme et qui auraient dû être en prison ce jour-là. Adouani, un Tunisien, et Awale Guelleh, un Djiboutien. Pour la défense, ce témoignage est capital. Pourtant, dans un premier temps, les juges d'instruction Marie-Paul Morakini et Roger Leloir ne l'interrogent pas. Ce que révèle bien sûr l'avocat Olivier Maurice. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a eu un zèle dans le cadre de l'instruction pour essayer de rechercher dans la vie personnelle de Bernard Borel je dirais une explication à la thèse du suicide. Alors, on a essayé de démontrer que ces mœurs étaient malsains, on n'a rien trouvé. Et ce que nous reprochons, c'est que le même zèle pour vérifier les témoignages à charge qui accablent un certain nombre de personnes en place à Djibouti n'ont jamais été examinés avec autant d'attention. Et pourtant, il y a des troubles tout à fait extraordinaire dans ce dossier. Finalement, le 30 janvier 2000, les deux magistrats se rendent à Bruxelles pour l'entendre. Et là, l'audition ne se passe pas comme prévu. Quelques jours après sa rencontre avec les juges, Mohamed Al-Loumekandi publie un nouvel entretien dans la presse où il explique qu'il a fait l'objet de pressions de la part des magistrats. Ces derniers lui auraient dit, vous savez, vous pouvez revenir sur vos déclarations avant qu'il ne soit trop tard. Et ils auraient insisté sur les risques encourus à mettre en cause l'actuel président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. 2 policiers qui assistent à l'audition confirmeront cette surprenante attitude. C'est que le témoignage de Mohamed Al-Loumekandi est rapidement mis en doute, notamment à Djibouti. Pourquoi parle-t-il 4 ans après? Parce qu'il est en sécurité, réfugié politique à Bruxelles? Oui, mais justement, en tant qu'opposant politique au président Guelleh, n'a-t-il pas tout intérêt à l'accuser? Pourquoi ces 5 hommes arrivent avec 2x4 en plein après-midi pour annoncer la nouvelle à Ismaël Omar Guelleh? On a vu plus discret. Comment le témoin peut-il affirmer avoir vu 2 hommes qui doivent pourtant se trouver en prison à ce moment-là? Et puis, la personnalité et le parcours d'Al-Loumekandi inviteraient plutôt à la prudence. On le dépeint comme déserteur, confronté à de perpétuels problèmes d'argent. Enfin, les juges d'instruction ajoutent au dossier une lettre d'un certain Ali Iftin, ancien supérieur de Mohamed Al-Loumekandi. Dans cette lettre, Iftin explique qu'il a eu une conversation téléphonique avec Al-Loumekandi et que celui-ci aurait avoué qu'on lui demandait de témoigner pour atteindre Ismaël Omar Guelleh. Bref, tout est fait pour décrédibiliser le premier témoignage qui atteste, lui, la thèse de l'assassinat. Les juges Marie-Paul Morakini et Roger Leloir continuent leurs investigations. En mars 2000, il retourne à Djibouti pour effectuer une reconstitution en présence de la directrice de l'Institut médico-légal de Paris, Dominique Lecomte. Grand absent de cette reconstitution, les parties civiles, Elisabeth Borrell et ses avocats. Oui, car leur demande de visa a été refusée. Sur les lieux du drame, on essaie de comprendre comment les faits se sont déroulés. À son retour, Dominique Lecomte conclut, elle aussi, au suicide. Une thèse dont, évidemment, Elisabeth Borrell ne peut se satisfaire, comme elle le dit sur France Inter. J'ai l'impression que tous les magistrats, dès qu'ils sont en charge de ce dossier, je ne sais pas s'il y a une... comment dire... mais on dirait qu'il fait peur, ce dossier. J'ai vraiment l'impression que dès qu'ils sont déchargés de ce dossier, ils retrouvent une liberté qu'ils n'ont pas quand ils ont en charge ce dossier. La preuve, c'est un peu l'unanimité des motions de soutien de mes collègues magistrats à Toulouse, qui quand même, au départ, ont eu ce dossier en charge. Tout le monde me soutient aujourd'hui, mais je veux dire, au temps où ils avaient la charge de ce dossier, c'était pas la même chose. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants sachent que mon mari ne s'est pas suicidé, que leur père n'était pas un lâche, n'était pas un pervers. Je pense que j'ai une responsabilité sur ce plan-là. Quelques mois plus tard, en juin 2000, nouveau coup de théâtre. Après plusieurs interventions des avocats d'Elisabeth Borrell, notamment sur les conditions de l'audition du témoin, Mohamed Aloubekani, les juges d'instruction Marie-Paul Morakini et Roger Leloire sont dessaisis du dossier. Et un nouveau juge d'instruction, Jean-Baptiste Parlos, est nommé. 5 ans après la mort du juge Borrell, l'enquête repart donc de zéro. Va-t-elle conclure, elle aussi, au suicide ou à la thèse de l'assassinat? Va-t-elle enfin émerger? Et si oui, pourquoi le juge Borrell aurait-il été tué et par qui? Djibouti, 27 février 2002. 7 ans après les faits, c'est la première fois qu'Elisabeth Borrell revient sur les lieux du drame, là où sa vie a basculé. Cette fois, elle et ses avocats ont obtenu un visa. En compagnie du nouveau juge d'instruction, Jean-Baptiste Parlos, et de nouveaux experts en médecine légale, ils se rendent au Goubé, à l'Anse du Diable, là où a été retrouvé le corps de Bernard Borrell. Dès leur arrivée, ils constatent que les conclusions établies par la première instruction ne tiennent pas. Vu la topographie du lieu, la forme et la disposition des rochers, l'inclination de la pente, il est difficilement imaginable que Bernard Borrell ait pu s'immoler et ensuite dévaler de plus de 10 mètres dans le ravin en pleine nuit. Face à ce constat, le juge Parlos ordonne une nouvelle autopsie. Pour la deuxième fois, le corps de Bernard Borrell est exhumé. Cette fois, on convoque un collège de 3 équipes d'experts. L'analyse des eaux, d'abord, révèle l'existence de deux lésions jusque-là inconnues. Une au niveau du crâne et l'autre au niveau du bras. La première fait suite à un coup direct, la seconde pourrait être compatible avec un geste de protection. Ensuite, on découvre des traces non pas d'un, mais de deux liquides inflammables de nature différente. Enfin, le fait que seul le haut du corps de Bernard Borel soit brûlé exclut l'hypothèse d'une aspersion par Bernard Borel lui-même. Au final, le collège d'experts conclut son rapport par ces mots « Les analyses effectuées militent en faveur de l'intervention d'un tiers, autrement dit, le suicide ne tient pas ». Mais il faut encore attendre le mois d'octobre 2003 pour avoir le rapport définitif. À sa parution, Elisabeth Borel et ses avocats organisent une conférence de presse. De ces expertises médico-légales émerge aujourd'hui une vérité judiciaire. C'est du moins l'avis des avocats d'Elisabeth Borel. La conclusion de ces expertises, c'est que la mort de Bernard Borel met en cause des tiers qui par ailleurs ont cherché à mettre en scène quelque chose, ce qui évidemment signe un assassinat. Autre élément qu'ils ont rendu public aujourd'hui, cette lettre du ministère de la Défense français au juge d'instruction. On peut y lire 12 documents présentant un lien avec la mort du juge Borel sont classés secret défense. Une preuve de plus pour Olivier Maurice que ce dossier est bien une affaire d'État. Il y a dans le dossier la mise en cause de personnalités extrêmement importantes à Djibouti. Nous n'inventons pas cette mise en cause. Et nous pensons que les autorités françaises ont voulu privilégier les bonnes relations avec Djibouti pour faire en sorte d'étouffer définitivement cet assassinat en privilégiant la thèse du suicide. Les résultats de la nouvelle autopsie et la conférence de presse marquent un tournant dans l'enquête sur la mort du juge. On parle désormais d'affaire Borel, et la thèse du suicide s'effrite à mesure que la piste criminelle se renforce. Une piste que suit la nouvelle juge d'instruction, la troisième, Sophie Clément, qui remplace Jean-Baptiste Parlos. Désormais, la question est sur toutes les lèvres. Pourquoi, comment et surtout, par qui le juge Borel aurait-il été assassiné ? Ces questions, Elisabeth Borel, ses avocats et certains journalistes se les posent depuis plusieurs années déjà. Depuis la mort de Bernard Borel, de nombreux éléments, signes, attitudes trahissent un dossier gênant en France comme à Djibouti. Revenons au moment du drame. Lorsqu'elle se remémore ces jours d'octobre 1995, Elisabeth Borel se souvient notamment de la visite de Claude Sapkasseler, un représentant français, conseiller juridique du président de la République de Djibouti, dans l'après-midi du 19 octobre 1995, le jour du drame. L'air soucieux, il dit à Elisabeth Borel « Madame, la France a besoin de vous ». Il lui demande alors de chercher un document que Bernard Borel aurait eu en sa possession et qui pourrait mettre en danger le chef de la gendarmerie française à Djibouti. Il s'agirait d'une liste de coopérants français impliqués dans une affaire de corruption. Mais après avoir fouillé ses affaires et son bureau, on ne retrouve pas le document. Une attitude curieuse qui rejoint celle de Jean-Jacques Moulinet, le chef de mission de la représentation française à Djibouti, qui s'empresse de confirmer le suicide du magistrat alors même que l'enquête n'est pas terminée. Au fur et à mesure, tout est mis en doute. En effet, comment expliquer que les deux gendarmes français aient découvert le corps ce matin-là, alors même qu'ils ne passent jamais par ici et que leurs locaux se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de l'endroit? Et puis, il y a les déclarations de certains témoins, au premier rang desquels Ali Iftine, l'homme qui avait discrédité le principal témoin, Mohamed Aloumekani, et qui, en 2002, dans l'interview pour l'émission 90 minutes de Canal+, avoue qu'il a rédigé cette lettre sous la contrainte du chef des services spéciaux djiboutiens. D'ailleurs, maintenant il peut le dire, lui aussi a entendu une conversation après la mort de Bernard Borel. Une conversation entre Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien, et son chef des services secrets. Monsieur Borel menait un certain nombre d'investigations comme tout bon juge d'instruction qui se respecte et qui tient surtout à avoir sa conscience pour lui. Et certainement, tout ça en fait qu'il a dû déranger pas mal de gens, en ce qui me concerne. Vous dites qu'il dérangeait le pouvoir en place. Je dis qu'il dérangeait le système en place. Ce système incluait le pouvoir en place, cela va de soi. Ensuite, il y a les documents qu'Elisabeth Borel a retrouvés dans les affaires de son mari. Un dossier sur un trafic de faux dollars qui impliquerait des notables locaux, djiboutiens comme français. D'autres documents sur des sociétés indiennes spécialisées dans le négoce de matières pour le nucléaire. Enfin, un document juridique de Roger Leloir sur l'enquête autour de l'attentat du Café de Paris à Djibouti en 1990, dans lequel un enfant français est mort. Roger Leloir, oui, le premier juge d'instruction de l'affaire Borel, qui a instruit dans le sens d'un suicide et qui a été dessaisi de l'enquête. Or, les rumeurs autour de cet attentat du Café de Paris sont nombreuses. On dit notamment que l'actuel président Omar Ismaël Guelleh y aurait joué un rôle. Bernard Borel travaillait-il sur des dossiers sensibles qui mettraient sa vie en danger? Pour en savoir plus, les partis civils demandent à la ministre de la Défense de l'époque, Michèle Alliot-Marty, de déclassifier certains dossiers secrets défense, ce qui est fait, effectivement, en mars 2004. À partir de là, la mort du juge Borel entre dans une nouvelle phase, celle de l'affaire d'État. Les documents secrets défense rendus publics montrent que les services de renseignement français s'intéressent de près à Omar Ismaël Guelleh. Par ailleurs, la juge Sophie Clément auditionne des agents du service des renseignements français en poste au moment des faits qui, eux aussi, émettent des doutes quant à la version du suicide. L'affaire Borel tourne alors à l'affrontement diplomatique et médiatique. Du côté de Djibouti, une campagne de presse reprend la position du président Ismaël Omar Guelleh, qui depuis le début nie toute implication et dénonce une affaire franco-française. On reparle de l'attitude trouble des autorités françaises au moment de l'enquête, on reprend l'hypothèse d'un vaste réseau pédophile impliquant des hauts responsables français et sur lequel Bernard Borel aurait découvert des choses. Du côté de l'Élysée, on tente de minimiser les tensions. Il faut absolument préserver la relation diplomatique avec Djibouti. D'ailleurs, les premiers signaux d'alerte sont envoyés par le pouvoir djiboutien. De gros contrats sont perdus, la redevance pour la base militaire augmente, d'autres pays comme les États-Unis s'installent à Djibouti. Enfin, en janvier 2005, 6 coopérants français sont expulsés et l'antenne de RFI coupée pendant plusieurs jours. Jacques Chirac se doit de réagir. Et le 17 mai 2005, il reçoit Ismaël Omar Guelleh, tout juste réélu à la présidence de Djibouti. La venue du président est sous haute tension. En effet, la juge d'instruction Sophie Clément n'a pas hésité à demander son audition et celle de deux de ses proches. Le procureur général et le chef des services secrets doivent ainsi se présenter devant la justice, accusés d'avoir menacé les témoins d'enquête. Les journalistes sont à l'Élysée au moment où on sort Omar Guelleh. Cette rencontre a-t-elle permis d'apaiser les tensions de ces derniers mois? Il n'y a pas de tension entre nous et la France. Est-ce que vous avez parlé de l'affaire Borel, monsieur le président? Fin de la visite, Jacques Chirac revient saluer son homologue et le porte-parole de l'Élysée résume la rencontre. Selon Jérôme Bonafont, les deux hommes ont évoqué le décès du juge Borel. Le chef de l'État, dit-il, a rappelé que la justice est indépendante, mais il rapporte aussi que le parquet, qui n'a fait aucun commentaire depuis, demande au juge d'instruction de mener l'enquête dans les meilleurs délais. Peu après, un communiqué des avocats d'Elisabeth Borel, la veuve du juge Borel, est diffusé par l'AFP pour dénoncer la visite du président djiboutien et demander son audition. À 15h51, selon l'avocat d'Ismaël Omar Guelleh, la convocation de la juge, qui veut l'entendre comme témoin, est envoyée par fax à l'ambassade de Djibouti à Paris, comme un écho renvoyé à Jacques Chirac quand il demande à ce que l'instruction s'accélère. L'image symbole de la situation de l'enquête en 2005, c'est le statu quo. Fermez le rideau, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à savoir. Tant que les deux hommes d'État seront en place, on n'avancera pas, ou difficilement. Deux ans plus tard, au printemps 2007, alors que les élections présidentielles françaises approchent, la partie civile se dit qu'il faut accélérer les choses. Les nouveaux juges d'instruction en charge de l'affaire, Fabienne Pousse et Michel Ganachia, perquisitionnent les ministères de la Défense et de la Justice pour récupérer des dossiers en lien avec l'affaire Borel. Mais elles échouent à perquisitionner le bureau du conseiller Afrique de Jacques Chirac à l'Élysée, Michel de Bonnecorse. Finalement, avec l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, l'affaire Borel change de nature. Au mois de juin, Nicolas Sarkozy reçoit Elisabeth Borel et son avocat Olivier Maurice à l'Élysée, signal de cette diplomatie du coup d'éclat dont le nouveau président fera sa marque. Mais aussi changement radical par rapport à son prédécesseur. Il promet que tout sera mis en œuvre pour retrouver les commanditaires de l'assassinat de son mari. Elisabeth Borel salue cette décision après 11 ans de lutte. Je suis un peu réconciliée avec mon pays parce que c'est vrai que le chef de l'État m'a dit clairement que pour lui c'était important de me recevoir et d'autre part que les obstructions que nous avions connues dans le dossier, il tâcherait de faire en sorte qu'effectivement se soit débloqué. Il m'a clairement affirmé que lui, son souci, c'était la vérité. Donc nous avons un souci commun. Et c'est vrai que c'était important d'entendre ça de la part du chef de l'État de mon pays. Et puis, nous avons effectivement demandé à ce qu'il y ait un communiqué du parquet disant que le dossier d'instruction en l'État était une affaire criminelle. De voir que l'État n'est pas contre la vérité sur l'assassinat d'un magistrat. C'est très important pour moi. Un an plus tard, les deux juges d'instruction peuvent enfin récupérer le dossier recherché dans la cellule Afrique de l'Élysée. Ils y découvriront de nombreuses notes qui attestent d'une constante de la part de la diplomatie française, protéger ses intérêts vis-à-vis de Djibouti et défendre donc la thèse des suicides. Depuis, l'affaire Borrell ressurgit de temps à autre au cœur de l'actualité suite à de nouveaux témoignages ou de nouvelles révélations. Reste qu'après 21 ans d'enquête menée par 7 juges d'instruction, la vérité n'a toujours pas éclaté. S'agit-il d'un règlement de compte politique local impliquant le toujours président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, duquel se serait approché d'un peu trop près le juge Borrell ? S'agit-il d'un règlement de compte politique français ? Bernard Borrell aurait eu vent d'informations concernant des affaires de corruption, de réseaux pédophiles ou de mafias locales impliquant de hautes personnalités politiques françaises. Aujourd'hui, le mystère demeure. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du juge Borrell. Nos invités, Elisabeth Borrell, l'épouse du juge, et David Servenay, journaliste indépendant, fondateur de la revue Dessinée, qui a travaillé sur l'affaire Borrell. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Elisabeth Borrell, avec nous, avec vous, revenons d'abord sur votre arrivée à Djibouti. Pourquoi ce choix? Comment était la vie là-bas, avant le drame? Je dirais que la vie était âpre à Djibouti, parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais vu de personnes souffrant de la lèpre. Il suffisait de descendre dans la rue. Je savais pas que la lèpre existait encore. Donc, c'était un pays très dur. En même temps, nos conditions de vie étaient pour nous complètement correctes. Mon mari avait une activité intense, puisque la réforme ne concernait pas simplement le code pénal et le code civil, mais toute la législation pour en faire un état de droit. Je pense qu'on ça commençait par là. On en est bien loin. Voilà. Et bon, il était passionné par son activité de conseiller du ministre, même si c'était particulièrement compliqué. David Servenay, le contexte du pays est âpre, on le disait, tendu, l'affrontement entre les Afars et les Issas. L'indépendance de Djibouti arrive tardivement, en 1977, donc bien après la vague de décolonisation des années 60. Cette particularité joue un rôle dans les relations entre la France et son ancienne colonie. Bah oui, bien sûr, les liens sont toujours très forts, comme avec tous les pays de ce qu'on a coutume d'appeler le précaré en Afrique. Djibouti, c'est assez particulier, on va sans doute en reparler, mais vous l'avez dit à un moment donné, c'est une position stratégique en Afrique, dans l'Afrique de l'Est. Ça contrôle l'accès à la mer Rouge, au canal de Suez. Et puis on va le voir aussi au tournant des années 2000, ça va prendre une tonalité particulière, parce qu'avec la montée du péril islamiste, ça devient une espèce de porte-avions sur une terre, base, quoi, si je peux dire, une base militaire extrêmement importante. Ça l'a toujours été pour les Français, depuis 1977, depuis l'indépendance. Il y a un petit détail biographique d'un des personnages de l'histoire, Ismaël Omar Guelleh, donc qui est l'actuel président de la République. Il faut savoir que Ismaël Omar Guelleh a été français au début de sa vie et il était à l'époque inspecteur des renseignements généraux avant l'indépendance de Djibouti en 1977. Aujourd'hui, quelle est la situation des relations entre la France et Djibouti? Aujourd'hui, vraiment? Alors, aujourd'hui, elle est, on va dire, correcte. Peut-être pacifié même, dans un contexte extrêmement différent, parce que donc souvent, enfin jusqu'au tournant des années 2000, les Français ont été un peu dans leur jardin, chez eux, à Djibouti. Il y avait un énorme camp militaire qui comportait à peu près 5000 hommes. Aujourd'hui, on en est à peu près à deux fois moins, mais surtout, les Américains se sont implantés depuis 2002. Ils ont une énorme base militaire. Les Chinois, maintenant, s'implantent aussi, pour des raisons notamment économiques, mais avec aussi un campement militaire extrêmement important. Donc, du point de vue djiboutien, c'est un petit peu différent parce que maintenant il y a plusieurs interlocuteurs dans la partie en quelque sorte, et évidemment les djiboutiens peuvent jouer la surenchère entre les Français, les Américains et les Chinois. Elisabeth Borrell, je disais 7 juges d'instruction, en fait il n'y en a plus, je crois qu'on monte jusqu'à 11, parce que le récit s'arrêtait à 2007-2008, on est à 11, alors on va revenir au début. Donc au départ, vous ne pensez pas à l'assassinat au tout début? Absolument, oui. On me dit, vous savez, j'ai jamais remis en cause immédiatement ce que me disent les représentants de la France, l'ambassadeur de France, le consul, voilà. Simplement, il faut savoir que dès le départ, on va me faire pression sur moi en ce qui concerne l'ambassadeur, puisque avant de partir de Djibouti, il va m'expliquer qu'il ne faut pas que je cherche, parce que sinon ça pourrait nuire à l'image de mon mari. Et dès le mois de janvier, le ministère des Affaires étrangères m'expliquera qu'ils ne peuvent pas me communiquer les éléments que le procureur général de Djibouti m'avait adressés, parce qu'ils ne savent pas s'il n'y a pas un problème de secret. Donc déjà, le cadre était bien tracé depuis le départ, sans compter le document qu'on m'a demandé de chercher et dont je pense, a posteriori, que si je l'avais trouvé, je ne serais pas revenue. Les enfants auraient eu deux parents suicidés. Ils avaient 5 et 8 ans. Tout ce que je fais, je le fais aussi pour eux. L'avez dit d'ailleurs dans le récit, Parce que je pense qu'on ne peut pas se bâtir sur ce genre de secret. Alors vous recevez dans la nuit, puis le lendemain, donc la visite de Claude Sapkowski-Keller. Alors qui est cet homme? Quelle est sa fonction? Quelle est son attitude avec vous? Qu'est-ce que vous ressentez là? Alors, c'est un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur qui est détaché à Djibouti comme conseiller du président de la République, Monsieur Aptido. C'est quelqu'un, j'allais dire, c'est, euh, C'est pas quelqu'un de direct, c'est quelqu'un, c'est un peu, je sais pas, un personnage très opaque. Trouble. Trouble, d'autant qu'il était en difficulté avec mon mari, puisque mon mari lui avait demandé des choses et qu'il ne les avait pas faites quelques jours avant. Et ce personnage va récupérer chez moi des documents, tout ce qui concerne le Rotary. Le Rotary. Parce qu'à la réunion, c'était la réunion avec le Rotary le mercredi soir. Je sais pas, il n'en fait pas partie, donc j'aurais jamais dû les lui remettre d'ailleurs. Et il a également récupéré tous les documents de l'association des anciens marins. Cette liste qu'il cherche, c'est quoi ? Ce document qu'il cherche, qui met en cause le prévôt, je n'ai jamais su ce que c'était. En fait, il y a eu plusieurs versions qui ont été données aux différents juges d'instruction. Monsieur Sapka, c'est quelqu'un qui ne dit jamais la réalité. Il la modifie, il la change. Il y a autant de versions que d'auditions. Voilà, donc, c'est un personnage très trouble. Alors, manque de chance pour eux, il est plus difficile de manipuler un juge. Car vous êtes juge, hein? Oui. Bah oui, forcément, notamment sur l'enquête, l'acuité de votre regard est certainement plus forte que celle d'une personne qui serait pas dans cette profession. Comment se déroule votre audition chez les policiers djiboutiens, enfin par les policiers djiboutiens? D'abord, j'avais refusé d'être entendu. On m'a fait comprendre que si je refusais, je ne partirais pas de Djibouti. Enfin, ça, c'est les Français qui m'ont expliqué ça. Oui. Donc, j'ai accepté d'être entendue. Ça s'est passé dans un appartement voisin de chez moi, pas chez les policiers. Et c'est vrai que j'ai mis en cause les autorités djiboutiennes en disant que ce serait peut-être mieux d'aller chercher auprès d'elles qu'auprès de moi les raisons du suicide de mon mari, puisqu'à l'époque, je ne mettais pas en doute le suicide. Voilà, ça s'est passé comme ça. C'était très dur. Et pourquoi ne leur parlez-vous pas des lettres et de l'argent que vous avez retrouvé ? Ah bah parce que M. Sapkas m'avait expliqué que si j'en parlais, d'abord il m'avait demandé de ne pas en parler, puisque lui-même avait essayé de faire changer l'argent djiboutien en francs français auprès de la trésorerie, ce que les Français avaient refusé. Et il m'avait expliqué que si jamais j'en parlais, je repartirais sans l'argent. Voilà. Et or, on savait que c'était de l'argent de Bernard, puisque c'était l'argent qu'il avait retiré de ses comptes. Donc, de ce que vous me dites, tout est intimidation, hein, clairement. Ah oui, les trois jours, ils ont éloigné mes parents qui voulaient venir, ils leur ont dit que c'était pas la peine, alors qu'à moi, on me disait que si je collaborais pas à l'enquête, je repartirais pas. Alors, David Servenet, vous allez prendre le relais, parce que vous avez travaillé sur cette affaire. Il y a une zone d'ombre autour des examens médicaux réalisés par des Français à Djibouti. On peut revenir sur cette question, d'autant plus qu'un témoignage en 2007, celui d'Alexandre Barrier, employé à la morgue de Djibouti, se souvient qu'il avait repéré les hématomes découverts dans la seconde autopsie, alors des années après. Il dit aussi qu'il avait dû signer un document lui interdisant de parler de cet examen. Mais alors, si on reprend les choses d'une manière un peu plus globale, vous savez, les policiers disent toujours, si on ne fiche pas une scène de crime, au moment où on découvre, donc en l'occurrence un corps, en général, on a très peu de chances de sortir l'enquête, comme disent les enquêteurs. Or, là, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous l'avez dit, il est 7h20 le matin, il y a deux gendarmes de la prévôté. Donc la prévôté militaire, il faut savoir un peu ce que c'est, ce sont des gendarmes qui sont détachés dans le cadre des forces militaires pour faire des enquêtes sur des actes dont les militaires peuvent être soit les auteurs, soit les victimes. Donc c'est une fonction un petit peu particulière. Bon. Donc ils découvrent le corps de Bernard Borel au pied de cette falaise. Et là, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle, donc une fois de plus, le fait de figer une scène de crime est très mal fait. D'accord ? On relève mal un certain nombre d'indices, etc. Bon. Ensuite, donc, le corps est transporté très vite par un hélicoptère de l'armée française qui est arrivé à 9h, donc très rapidement. Comme si, à ce moment-là, on savait déjà qui était cette victime qu'on découvrait fortuitement à 7h20. Bon. Le corps est transporté donc à l'hôpital militaire français de Djibouti, qui est un hôpital qui n'est pas du tout équipé en fait pour faire des autopsies au sens classique et scientifique du terme. Il n'y a pas de médecin légiste assermenté, etc., etc. Donc on va faire un examen assez rudimentaire. Il semblerait qu'on prenne des radios, mais ces radios, effectivement, on n'en trouvera jamais trace. Et c'est très important parce que des années plus tard, dans la deuxième autopsie, donc qui va être conduite là par trois médecins légistes différents, un collège d'experts, dont un expert suisse, on va découvrir plusieurs lésions, donc sur, à partir de l'analyse du squelette. Ce qu'on racontait, qui prouve que ça peut pas être un suicide. Ça ne peut pas être un suicide. Ça, c'est très important, parce que vous l'avez dit, c'est la preuve scientifique. Or, en 2004, c'est important cette date. En 2004, on sait, et tous les gens qui travaillent sur cette affaire, les magistrats, mais le parquet de Paris aussi, par exemple, et par conséquence, toute la chaîne politique que le parquet informe, puisque vous savez, en France, le ministère de la Justice va informer, évidemment, les autorités politiques de ce genre d'évolution du dossier. En 2004, on sait que ça ne peut pas être un suicide, que c'est au minimum un meurtre, voire un assassinat, si on considère la préméditation. Oui. Donc voilà, donc si vous voulez, dès le départ, toute l'enquête est bâclée, en quelque sorte, et elle va continuer à l'être pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention décisive de ce deuxième collège d'experts. Alors, en tout cas, il semble qu'il y ait une collusion évidente entre les autorités françaises et les Djiboutiens. Pourquoi ? Il s'agit de ne pas remettre en cause les relations entre Djibouti et la France, c'est ça, Madame Borrell ? Non, je n'y crois pas. Ah, parce que nous avons... J'allais poser la question à David Servenet, mais alors... Nous avons un compte-rendu d'entretien de mai 2005. Vous avez beaucoup parlé de cet entretien entre M. Guélet et M. Chirac. Or, nous avons le compte-rendu de cet entretien. Et dans ce compte-rendu, nous comprenons que c'est M. Chirac qui propose à M. Guélet de saisir la Cour internationale de La Haye pour faire condamner la France et comme ça contraindre le juge d'instruction à donner la copie du dossier à Djibouti. Ça veut dire que, et je l'ai déjà accusé de haute trahison, Monsieur Jacques Chirac, donc je renouvelle mes accusations, dans la mesure où il savait parfaitement qu'en acceptant la compétence de la Cour de La Haye, il acceptait de faire condamner la France parce qu'il n'avait pas lui-même motivé le refus de communiquer les documents et la procédure à Djibouti. Il le savait, ses services le lui avaient dit, il l'a fait quand même, il a choisi d'accepter ensuite la compétence de cette Cour de la Haye qui a condamné la France, mais qui a condamné la France en expliquant que c'était suffisant de dire qu'elle était coupable, mais qu'il n'y avait pas besoin de prononcer de sanctions. Les Djiboutiens n'obtiendront jamais la copie du dossier grâce au soin transmis de Madame Clément qui indiquera que ce serait contraire aux intérêts supérieurs de la nation. Je dis que ce sont deux chefs d'État, M. Guélet et M. Chirac, qui à ce moment-là ont un intérêt particulier à faire admettre qu'il faut clôturer ce dossier et à faire tout en sorte pour qu'il soit clôturé. On va écouter Madame Borrell, une archive. Oui. David, je voulais juste ajouter une toute petite chose. Il faut peut-être ajouter, il y a certainement des intérêts particuliers, mais il y a aussi une sorte d'intérêt général des deux côtés. C'est un peu je te tiens, tu me tiens. On peut résumer ça assez rapidement. On sait qu'Ismaël Omar Guélet, l'actuel président, donc le chef d'État de Djibouti, est un affairiste. C'est décrit très longuement dans des notes des services de renseignement français qui savent tout de ce qui se passe à Djibouti. Donc, il a fait fortune sur un certain nombre de trafics divers et variés. Donc, de ce point de vue-là, il est assez vraisemblable que Ismaël Omar Guélet est un peu tenu dans le cadre de cette affaire. Mais, à contrario, il y a à Djibouti une base d'écoute, ce qu'on appelle les grandes oreilles, vous savez, françaises, qui est installée là-bas. Et c'est très important parce que, à partir de cette position géographique, on peut écouter l'ensemble de la péninsule arabique. Voyez bien qu'à partir du 11 septembre 2001, ça présente quand même un intérêt, certain pour la France de maintenir cette base secrète d'écoute de toutes les télécommunications dans la région. Alors donc, on va écouter une archive qui ressemble à un aveu. C'est un extrait du reportage du journaliste Bernard Nicolas en 2002 consacré à cette affaire Borrell, produit et diffusé sur Canal+. Le président djiboutien, donc Ismaël Omar Guélet, tient une conférence de presse après sa visite à l'Élysée chez Jacques Chirac. Et un journaliste décide de lui poser quelques questions sur l'affaire Borrell. Deux anciens membres, monsieur le président, de votre garde présidentielle, il s'agit de son chef et de son adjoint, vous accusent d'avoir organisé l'assassinat du juge Borrell à Djibouti en 1995. La veuve de Bernard Borrell demande votre audition, et si le cas se présentait, accepteriez-vous de répondre à la justice française ? Je suis un chef d'État, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas de... Mais ceux qui m'accusent ne sont pas devant moi, n'est-ce pas, pour m'accuser, n'est-ce pas ? Et je ne vois pas pourquoi un coopérant qui est dans notre pays, à notre demande, pourrait être assassiné par notre gouvernement, Qu'est-ce que je ne vois pas, n'est-ce pas? La chose la plus simple aurait été de lui dire de partir et de quitter notre territoire, mais nous n'avons pas besoin de l'assassiner, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, donc, si un juge français vous demandait de répondre à vos accusateurs, vous refuseriez... Il n'y a pas d'accusateur, monsieur. Je ne suis pas au courant de ce que vous racontez, là. Je ne suis pas au courant des médias. Tout le monde est au courant, c'est dans la presse. Ah ben ça, c'est la presse. Hein. La presse, elle fait ce qu'elle veut. Elle écrit ce qu'elle veut. Mais je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette affaire. J'ai déjà répondu à votre question, monsieur. Bon, comment expliquez-vous avoir été cité dans des notes des services secrets français comme pouvant être le commanditaire d'attentats anti-français? Ce sont des pièces qui font partie du dossier d'instruction sur l'affaire Borrell. Yeah. Vous ne voulez pas répondre? Ah bon? Allez, est-ce que c'est bon? Vous ne voulez pas répondre, monsieur le président? Pas à l'aise, hein, ce monsieur-là, sur le dossier. Ce jour-là, il a dit qu'il fallait arracher le micro du journaliste. Et c'est ce qu'il précise là dans sa langue. Écoutez, on va écouter une seconde archive, une seconde et dernière, en 2015. Donc il y a un an, hein, on apprenait cette nouvelle. Écoutez. Elles sont au cœur d'un mystère judiciaire de 20 ans, l'assassinat à Djibouti en 1995 du magistrat français Bernard Borrell. Et pourtant, des pièces du dossier ont été détruites par la justice française, 70 scellés au total, parmi lesquels une montre, un briquet, un short sur lesquels des expertises scientifiques devaient être pratiquées. La mention non-lieu a été apposée sur ces scellés sans qu'on sache pourquoi. Bon, puisque vous êtes juge, en plus, Madame Borrell, expliquez-nous comment on peut en arriver là. On en arrive là quand ce sont des hauts personnages qui sont concernés par l'assassinat, qui sont peut-être concernés par l'assassinat de mon mari. Mais c'est vrai que on peut pas comprendre que la justice dans ce pays qui se dit démocratique puisse arriver à faire des choses pareilles dans l'assassinat d'un magistrat lui-même en charge d'un dossier de terroriste et lui-même victime d'un des terroristes dont il s'occupait à Djibouti, monsieur Awale Guelleh. Que pensez-vous par ailleurs de cette hypothèse mettant en avant un réseau pédophile? Alors bon, moi j'ai toujours considéré que c'était possible à Djibouti qu'il y ait des réseaux pédophiles, c'est bien évident. Il y avait d'ailleurs eu une affaire concernant un consul de France, mais je veux dire, c'est pas un dossier de cet ordre-là pour lequel on assassine un magistrat, pour lequel on fait saisir la Cour internationale de La Haye, pour lequel on détruit des scellés, pour lequel on fait pression sur la victime. Et je dois dire que le combat a été rude depuis 21 ans parce qu'il fallait lutter contre deux États, vraisemblablement deux chefs d'État, les services publics, des magistrats qui n'ont jamais fait ce qu'il fallait pour que l'assassinat puisse être prouvé un jour. Et ça s'est terminé l'année dernière, effectivement, par la destruction des scellés, qui sont des pièces essentielles pour faire condamner les auteurs, alors qu'on a évidemment les examens et les ADN de deux personnages qu'on aimerait bien retrouver. J'ai envie de vous dire, et maintenant? Et maintenant, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont parler. Ah bon? Oui. Pourquoi? Certaines. Parce qu'on ne peut pas rester en faisant autant de mal. Et je pense qu'il y a quand même encore des gens qui ont une conscience. Alors, tous ceux qui ont bafoué les droits de deux enfants de 5 et 8 ans. 5 et 8 ans. Si on avait trouvé le document, je serais peut-être morte. Ils seraient restés avec un père et une mère suicidés. Alors, je dis que rien que pour ça, ils devraient parler. Ce sera le mot de la fin, Madame Borrell. Merci infiniment. Merci également, David Servenet, pour les précisions que vous avez pu apporter sur cette affaire. Merci à tous les deux. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire de l'assassinat du juge Borrell. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Vous avez été très très nombreux hier à nous écrire sur cette page après l'émission d'hier. Peut-être ce sera le cas aussi aujourd'hui.